Mort par le vénérable Sayadaw Upanyaswamy. Retraite de méditation Vipassana 2002. Four foundations of mindfulness in Pali, Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Chitta Nupassana, and Dhamma Nupassana, mindfulness on the body, mindfulness on the feelings, mindfulness on the consciousness, mindfulness on the Dhamma. Today I would like to talk about Vedana Nupassana, mindfulness on feelings. Il y a quatre établissements pour l'attention. Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Chitta Nupassana et Dhamma Nupassana. L'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à la conscience et l'attention au Dhamma. Ce soir, nous parlerons de Vedana Nupassana, l'attention aux sensations. Mais avant d'en parler, il est nécessaire de comprendre correctement la signification de Vipassana. Vipassana, c'est être attentif et noter tout ce qui se manifeste aux six portes sensorielles, voir, entendre, goûter, sentir, toucher et penser. Chaque fois que l'on verra quelque chose, il faudra donc noter voir. Chaque fois qu'on entendra quelque chose, il faudra noter entendre. Chaque fois que l'on goûtera une saveur, il faudra noter goûter, etc. En méditation assise, l'objet primaire d'attention, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il est nécessaire de disposer d'un objet primaire d'attention, même si dans Vipassana, on demande de noter tout ce qui se présente aux six portes sensorielles, car au début, il n'est pas possible de noter tous ces contacts. Ce n'est que plus tard, lorsque la pratique aura pris du rythme, qu'on sera en mesure de noter tout ce qui se manifeste aux six portes sensorielles. Les quatre établissements de l'attention sont présentés dans un certain ordre. On parle d'abord de Kaya Nupassana, ensuite de Vedana Nupassana, ensuite de Chitta Nupassana et enfin de Dhamma Nupassana. Mais lorsqu'on pratique, il n'est pas nécessaire de suivre cet ordre et de décider, par exemple, de pratiquer un jour Kaya Nupassana, le lendemain Vedana Nupassana, le surlendemain Chitta Nupassana et enfin Dhamma Nupassana. Ces quatre établissements de l'attention doivent se pratiquer simultanément. En méditation assise, on commence par observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. C'est l'objet primaire d'attention. Lorsque des pensées se manifestent, il faut noter pensées. Lorsque des sensations se manifestent, il faut noter sentir. Lorsque vous entendez un bruit, vous devez noter entendre. Vous voyez donc qu'en méditant en posture assise, vous pratiquez automatiquement les quatre établissements de l'attention. Il ne faut donc pas choisir délibérément l'une ou l'autre de ces quatre bases pour l'attention, on observe tout simplement ce qui se manifeste spontanément. Ce soir, je parlerai de Vedana Nupassana, l'attention aux sensations. En méditation assise, il faut tout d'abord se trouver une posture confortable. Il faut ensuite focaliser son esprit sur l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il faut noter ces mouvements de façon très précise. Après quelque temps, il est fort probable que des sensations se manifestent quelque part dans le corps. Ce seront sans doute des sensations désagréables. Dès que vous constatez qu'il y a dans le corps une sensation désagréable, vous devez focaliser votre attention sur cette sensation, puisque c'est le phénomène qui est le plus prédominant à ce moment-là. C'est la douleur qui devient l'objet d'observation. Vous abandonnez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il faut noter les sensations douloureuses avec précision. Il ne faut pas les ignorer. Si vous les observez de façon très précise, vous pourrez les voir très clairement. Comment allons-nous procéder pour observer les sensations douloureuses? Il faut l'observer en répétant mentalement « douleur, douleur ». Nous allons peut-être constater qu'au fur et à mesure que nous la notons, elle s'intensifie. Mais il faut faire preuve de patience, ne pas se décourager. Lorsque la douleur s'intensifie, il est possible que nous ayons le désir de changer de posture. Un débutant surtout aura envie de changer de posture, car les débutants ne réussissent pas toujours à noter les sensations douloureuses avec patience. Mais il faut qu'ils s'y efforcent. Si vous faites preuve de patience avec la sensation douloureuse, vous pourrez voir qu'elle s'intensifie. Vous ne verrez probablement pas qu'elle disparaît, car vous êtes encore au début de la pratique. Mais si vous réussissez à la noter pendant quelque temps, par exemple une quinzaine de minutes, et si vous la notez très soigneusement, vous allez peut-être commencer à voir qu'elle diminue d'intensité et que finalement elle disparaît. Vous pourrez parfois constater, lorsque vous observez la sensation douloureuse, qu'elle se déplace. Parfois, elle ne s'intensifie pas. Elle est très supportable. Vous allez donc constater, si vous observez avec précision, qu'il y a toutes sortes de sensations douloureuses. Elles ne se présentent jamais de la même façon. C'est pour pouvoir observer tout cela que vous devez faire preuve de patience lorsque vous observez la sensation douloureuse et que vous appreniez à l'observer avec précision. Lorsque la sensation douloureuse devient très intense, il est donc possible que vous ayez le désir de changer de posture. Lorsque ce désir se manifeste dans votre esprit, essayez de ne pas y réagir immédiatement. Essayez de différer le moment où vous allez changer de posture et notez ce désir. Vous répétez mentalement « désir de changer de posture, désir de changer de posture ». Mais soyez patient, ne le faites pas. Si vous notez le désir de changer de posture de façon consciencieuse, il est possible que la sensation douloureuse devienne plus supportable. Et ceci aura pour conséquence que vous n'aurez plus envie de changer de posture. Mais vous devez alors noter le désir de ne plus changer de posture. Mais si la sensation douloureuse devient intense au point qu'il devient difficile de la supporter, il faudra faire preuve de détermination. Vous devez prendre la décision de ne pas changer de posture immédiatement. Vous ne changerez pas de posture tant que vous n'aurez pas compris la nature de la sensation douloureuse. Il faut prendre cette décision et noter la sensation douloureuse jusqu'au moment où vous l'aurez surmontée. Il faudra faire preuve de beaucoup de détermination. Au début de la pratique, même si vous avez de la détermination, il est cependant parfois très difficile d'observer la sensation douloureuse quand elle devient intense. Vous êtes alors autorisé à changer de posture, mais essayez de ne pas le faire trop souvent. Lorsque vous changez de posture, n'oubliez pas de maintenir l'attention. Notez tous les changements. Vous répétez mentalement « changer, changer » ou « désir de changer » et ensuite seulement vous notez le mouvement avec beaucoup d'attention. Au moment où vous notez « changer, changer », vous allez peut-être réaliser des choses fort intéressantes. C'est la raison pour laquelle vous devez maintenir votre attention très vigilante au moment où vous changez de posture, même si vous avez capitulé devant la sensation douloureuse. Dans le Satipatthana Sutta, le Bouddha nous enseigne que lorsque le yogi ressent des sensations douloureuses, il doit en être conscient. Lorsque la sensation déplaisante se manifeste, il faudra donc en être conscient conformément aux instructions du Bouddha. Le yogi doit savoir qu'il y a en lui une sensation douloureuse. Ces sensations désagréables sont appelées dukkha vedana. Il faut en être conscient. Si le yogi note consciencieusement, avec attention, toutes ces sensations désagréables, il verra qu'elles disparaissent. S'il est très attentif, il verra toutes sortes de choses. Parfois, la sensation douloureuse s'intensifie, parfois elle diminue d'intensité, parfois elle change de place. Il est possible d'expérimenter tout cela lorsque l'attention est très ferme. Lorsque la douleur se manifeste, le méditant doit donc en prendre conscience. Au début, ce sera difficile de la supporter. Mais progressivement, s'il fait preuve de patience, il apprendra à la supporter et en arrivera même peut-être à aimer cette sensation douloureuse. Il aura l'impression que la sensation douloureuse lui permet de pratiquer de façon très ferme. Lorsqu'il n'y a pas de sensation désagréable, le méditant a parfois l'impression que son attention est faible. Mais lorsque l'esprit est fixé sur la sensation douloureuse, elle peut s'y maintenir très facilement. Le yogi commence ainsi, tout doucement, à aimer la sensation douloureuse. Il va commencer à expérimenter Sukha Vedana. Donc, dès que la sensation douloureuse se présente, il faut la noter attentivement, avec précision. L'esprit va progressivement mûrir. L'esprit d'une personne qui n'est pas illuminée est très vulnérable. Il est très impatient. Mais par la pratique de Vipassana, on s'efforce de développer l'attention et par voie de conséquence, Kanti, la patience. On peut ainsi en arriver à expérimenter les sensations neutres, les sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables. En réalité, la douleur est une sensation neutre, mais au début, on a l'impression qu'elle est très intense et très forte. Si nous la ressentons ainsi au début, c'est parce que l'attention n'est pas encore très développée. La patience ne s'est pas encore manifestée. Le yogi va donc faire un effort pour noter de façon précise. Il va se montrer patient et déterminé. La détermination est très importante. La douleur se manifeste, mais le méditant commence à la ressentir comme tolérable. Elle ne l'affecte plus son esprit. Il a développé un certain niveau d'attention et de patience. Vous voyez donc que lorsque la sensation douloureuse se manifeste, vous devez la noter sans interruption et petit à petit, vous comprendrez que ce n'est pas si terrible. Vous allez commencer à y voir un certain intérêt et vous allez commencer à aimer cette sensation douloureuse. Mais même si vous aimez la sensation douloureuse, vous devez continuer à noter. Vous continuez donc à pratiquer ainsi. Vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et de temps à autre, des sensations douloureuses se manifestent quelque part dans le corps. Vous notez alors cette sensation douloureuse au moment précis où vous la sentez, mais cette sensation douloureuse ne vous semble pas intense au point de vous arracher à votre observation de l'abdomen. Elle n'a cependant pas disparu. Vous notez la sensation douloureuse et vous constatez que votre esprit revient spontanément au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous pourriez penser que vous la refoulez, que vous l'ignorez, mais en fait ce n'est pas vraiment de l'ignorance dans ce cas. C'est l'esprit qui revient spontanément au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, car la sensation douloureuse ne l'incommode pas. À ce moment-là, vous expérimentez une sensation neutre. Mais tout ceci est progressif, il vous faudra un certain temps pour y arriver. Lorsque vous expérimenterez la sensation désagréable, au début, il est possible qu'elle fasse surgir en vous la colère. Parfois, vous serez déçu. Parfois, l'intensité de la douleur va provoquer une frustration en vous. Votre esprit va prendre une certaine coloration. Au début, vous notez simplement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et les sensations douloureuses lorsqu'elles se manifestent. La sensation douloureuse va devenir de plus en plus forte et ceci va provoquer en vous soit de la colère, soit de la peur. Et il faut alors que vous notiez ces états d'esprit. Colère, colère, peur, peur. Vous devez noter toutes ces émotions avec précision. Si vous avez eu de la difficulté à noter la sensation douloureuse, vous aurez également de la difficulté à noter les états d'esprit, la peur ou la colère. Mais efforcez-vous de la noter même si vous ne l'aimez pas. Vous pourrez voir que cette colère finit aussi par disparaître. Vous verrez également la peur disparaître. Lorsque ces états d'esprit auront disparu, la confiance va apparaître dans votre esprit. Comment se fait-il que la confiance ait surgi dans votre esprit? C'est tout simplement parce que vous avez réalisé par vous-même qu'en notant consciencieusement les états d'esprit comme la colère ou la peur, ils finissent par disparaître. Il est normal que la confiance se développe si vous expérimentez directement par vous-même la disparition des émotions. Dès que vous aurez réussi à faire surgir en vous la confiance, vous ne craindrez plus les sensations douloureuses, car à la séance suivante, vous n'aurez pas peur lorsqu'elles seront présentes. La colère, la peur, l'inquiétude, tous ces états d'esprit ne vous feront plus peur, car vous avez expérimenté précédemment la possibilité de les faire disparaître par l'attention très précise et énergique. Vous savez comment gérer les sensations désagréables. Vous savez ce que vous devez faire. À la séance précédente, vous avez expérimenté les changements de la sensation douloureuse, vous savez qu'il est possible qu'elle s'intensifie, qu'elle se transforme, qu'une pression se transforme en mouvement, qu'une raideur se transforme en dureté, que la dureté elle-même se transforme en vibration, etc. Parfois, vous aurez l'impression que la sensation est coupante. Il y a donc toutes sortes de formes différentes à la douleur. Vous poursuivrez votre pratique car vous savez quelle est la nature de la sensation douloureuse. Vous faites preuve de beaucoup de précision dans votre pratique. Vous êtes confiant. Vous savez par expérience que les sensations disparaissent à force d'être observées. Vous n'avez pas peur. Vous savez qu'en les notant, elles vont disparaître. Voilà comment le méditant est amené à expérimenter les différents types de sensations au moment où il pratique en posture assise. Si vous avez des sensations douloureuses, essayez donc de ne pas abandonner trop vite, essayez de continuer à noter avec détermination. Quelle est la différence entre un pratiquant de la méditation et un non-pratiquant? Quelle sera la réaction d'un non-pratiquant lorsqu'il est confronté à une douleur dans le corps? Il se dira, « Oh, j'ai une sensation douloureuse, j'ai mal au genou, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la tête. » Le pratiquant Vipassana, par contre, lorsque la douleur se présente, dirige son esprit vers la sensation douloureuse. Il la note avec précision. Douleur, douleur. Il la voit s'intensifier, il la voit diminuer d'intensité, il la voit parfois disparaître. Il ne perçoit donc pas la sensation douloureuse dans sa forme extérieure. Il ne voit pas une tête, il ne voit pas une épaule, il ne voit pas un genou qui lui fait mal. Il ne voit que la sensation à l'état pur. Il note la sensation douloureuse. C'est ainsi qu'il se débarrasse des concepts. Il ne pense plus que son genou lui fait mal. Il n'y a qu'une sensation douloureuse et il la note. Il ne pense plus ni à sa tête, ni à son épaule, ni à son genou. C'est cela la différence entre un méditant et un non-pratiquant. Ils ne comprennent pas de la même façon. Celui qui ne pratique pas la méditation vipassana pense en termes de « je »,« mon », »,« mien ». Il ne dépasse pas ses concepts. Il ne dépasse pas la notion de « atta ». Celui qui note attentivement, par contre, comprend qu'il n'y a en lui que l'esprit qui note et l'objet noté. L'idée que cet objet pourrait lui appartenir ne se manifeste pas. Au moment où il note attentivement, il est impossible que le méditant se dise « j'ai mal ». Mais il faut pour cela que son attention soit très vigilante. S'il comprend vraiment qu'il n'y a en lui que l'esprit qui note et l'objet noté, il dépasse le concept. C'est cela qui fait la différence entre un pratiquant et un non-pratiquant. Un pratiquant comprend correctement, clairement. Lorsqu'il note la douleur, le méditant comprend également que la douleur n'est pas solide, qu'elle n'est pas continue. Il note très attentivement et la voit disparaître. Mais il ne la verra pas disparaître subitement du premier coup. Il la voit diminuer d'intensité et ensuite il la voit disparaître. Lorsqu'il la voit disparaître, il voit que la sensation elle-même disparaît et que la conscience qu'il a de cette sensation douloureuse disparaît également. C'est ainsi que le méditant expérimente directement par lui-même, grâce à son attention, que les choses ne sont pas solides, ne sont pas continues. Un méditant qui est très attentif peut donc réaliser par lui-même que la sensation douloureuse n'est pas solide, il la voit apparaître puis disparaître, il voit la conscience qu'il a de cette sensation apparaître et disparaître également, il voit ensuite apparaître une nouvelle sensation douloureuse qui apparaît et disparaît à son tour. Le méditant expérimente donc la succession des sensations douloureuses et comprend ainsi le changement anicca. Ce méditant a réalisé anicca par expérience directe. Il y a toutes sortes de sensations. Il y a les sensations mondaines plaisantes, les sensations mondaines déplaisantes, les sensations mondaines neutres. Il y a les sensations supramondaines plaisantes, les sensations supramondaines désagréables et les sensations supramondaines neutres. Je vais commencer par les sensations supramondaines car vous êtes des méditants vipassana et vous les avez expérimentées dans votre pratique. En réalité, je vous en ai déjà parlé sans vous dire qu'il s'agissait de sensations supramondaines. Vous avez expérimenté des sensations douloureuses, vous ne les avez pas ignorées, mais au contraire, vous les avez observées très attentivement. À cause de cette attention précise, elles vous sont apparues très clairement. Démangeaisons, engourdissements, pressions, etc. Vous avez expérimenté toutes sortes de sensations désagréables. Dès qu'elles se manifestaient en vous, vous en avez pris conscience, vous les avez notées. Vous saviez qu'il s'agissait là d'une sensation déplaisante dans le corps, dukkha vedana. Et lorsque vous avez expérimenté les sensations agréables, vous les avez également notées. Progressivement, vous avez réussi à noter toutes sortes de sensations désagréables et chaque fois, elles se manifestaient différemment. Démangeaisons, dureté, pression, engourdissement, chaleur, froid. Vous avez chaque fois noté ces sensations sans penser qu'elles vous faisaient mal. Et ainsi, vous en êtes arrivé à ne plus ressentir cette sensation désagréable comme douloureuse, mais au contraire, vous avez commencé à les apprécier, vous avez commencé à aimer la sensation désagréable. Petit à petit, vous n'avez plus été affecté par les sensations douloureuses. Votre concentration est devenue profonde. Vous poursuivez votre pratique, vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et de temps à autre une sensation douloureuse se manifeste. Vous savez qu'il y a en vous une douleur, mais vous n'éprouvez pas le besoin de déplacer votre attention de l'abdomen à cette douleur. Votre esprit est très concentré sur l'abdomen, vous pouvez suivre très clairement les mouvements et vous ne ressentez pas le besoin de déplacer votre attention vers cette douleur. Voilà comment vous expérimentez les sensations supramondaines agréables, les sensations supramondaines désagréables et les sensations supramondaines neutres au moment où vous pratiquez la méditation. Il y a également des sensations mondaines désagréables, des sensations mondaines agréables et des sensations mondaines neutres. Si vous avez une gentille famille, si vous avez beaucoup de biens matériels, vous vous sentez heureux. Vous êtes content de vivre dans cette famille. Vous êtes heureux de posséder tous ces biens. Tout cela, ce sont des sensations mondaines agréables. Mais si vous perdez toutes ces choses, il est possible que vous deveniez triste, déprimé, inquiet. Tout cela, ce sont des sensations mondaines désagréables. Et il y a enfin les sensations mondaines neutres. Vous voyez que d'autres personnes vivent en bonne entente dans leur famille, ils ont beaucoup de biens, mais vous ne vous sentez pas jaloux, vous ne les enviez pas, vous n'êtes pas tellement intéressé par ces choses. Ce sont là des sensations mondaines neutres. Ce sont les sensations supramondaines agréables, les sensations supramondaines désagréables et les sensations supramondaines neutres qu'il faut comprendre, car c'est en les comprenant qu'on pourra atteindre la libération. Nous sommes en effet des gens qui ne sont pas encore illuminés et nous avons donc de l'attachement. Tant que nous aurons de l'attachement, il ne sera pas possible d'atteindre la libération. Si nous pratiquons la méditation vipassana, c'est pour nous libérer et atteindre l'illumination. Le Bouddha nous dit que dukkha doit être comprise, que la cause de dukkha doit être comprise, que la cessation de dukkha doit être comprise et que la pratique qui mène à la cessation de dukkha doit être comprise. C'est ce que le Bouddha nous demande. Le Bouddha ne se contente pas de nous parler de dukkha, il nous explique comment nous pouvons nous extraire de la souffrance. Grâce à notre pratique, nous avons compris ce que veut dire dukkha, et c'est grâce à notre attention que nous y sommes arrivés. Grâce à notre attention, nous avons constaté qu'il y avait toutes sortes de sensations douloureuses en nous. Par la pratique des quatre établissements de l'attention, nous allons réussir tôt ou tard à voir la douleur disparaître. C'est pour toutes ces raisons que lorsque la douleur se manifeste dans le corps, nous devons l'observer très attentivement, il ne faut pas l'ignorer. Il faut observer les sensations douloureuses, car si nous les ignorons, cela revient à ignorer la compréhension. Nous ne comprendrons jamais l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha nous dit que tout est transitoire, que tout est souffrance, insatisfaisant, et que tout est dépourvu de substance. Ces trois caractéristiques des phénomènes sont des choses fort importantes à comprendre. Si on n'y arrive pas, si on ne les comprend pas, on n'aura pas accès à ce que le Bouddha nous promet, la liberté. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous être heureux et en paix, puissiez-vous tous pratiquer la méditation avec ardeur et énergie, puissiez-vous tous comprendre clairement le Dhamma. I will stop here for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation ardently and energetically. And may you understand the Dhamma clearly.